il faudrait qu'on accélère un petit peu dans un premier temps. Après, peut-être on pourra le ralentir par la suite, mais pour que je puisse me mettre dedans, il faudrait l'accélérer un petit peu. L'accélérer. Alors, faut être indulgent parce que je l'ai écrit hier, ce morceau. Donc, j'en ai d'autres que j'ai plus en main que celui-là, mais celui-là, je l'ai écrit hier. Donc, ça va être approximatif. Hein. Je t'aime à la dune du Pilat, ta peau qui glisse sur le sable, tes cheveux aux quatre vents, c'est un peu par tous les temps. Crois-moi comme l'une est dans le noir, mes espoirs dans ton regard existent à la fin comme un rencard, au soleil, aux mondes et merveilles. Alors je vais mettre le beat, le tempo un peu plus fort parce que je l'entends pas, donc je vais me perdre le tempo. C'est par la rythmique seule, je pense. Je t'aime à la dune du Pilat, ta peau qui glisse sur le sable, tes cheveux aux quatre vents, c'est un peu par tous les temps. Je te crois comme la lune dans le noir, l'espoir loin dans ton regard. À la fin, j'ai un rencard au soleil du monde des merveilles. Je me perds un peu le tempo parce que je l'entends pas assez fort. Après, ce que je te propose, double basse, c'est que il faudrait que tu me donnes ton prénom, ça serait plus sympa. C'est que tu la fasses à ta sauce jazz, à ton tempo, et moi je viens sur ton style, ça serait plus sympa. Oh, je la fais tourner alors. Je t'aime. Thank you. que m'envoler. Je ne veux que m'envoler. Je ne veux que m'envoler. Thank you. Thank you. veut plus m'en aller. Elle ne veut plus m'en thank you. si le son pouvait tout faire. Thank you.